Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, quand la vie privée devient publique, une série de Manon Prigent réalisée par Séverine Cassard. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'entre Instagram et YouTube qui nous permettent d'assouvir nos penchants de voyeurs ou d'exhibitionnistes, on a eu envie de se pencher sur l'histoire de la vie privée en commençant par une reine devenue star hollywoodienne, Marie-Antoinette. Et dans vos oreilles aujourd'hui, une documentariste qui fait un pari, un historien qui joue le jeu, Versailles, le Trianon, le Paris pauvre du XVIIIe siècle et une jeune reine qui écrit à sa mère et promet de bien faire. Mais pour commencer, premier épisode, on est au cinéma. Je vous présente Madame la Dauphine, Marie-Antoinette. Bienvenue, Madame. Vous savez, il y a autant de Marie-Antoinette qu'il y a de films, de bandes dessinées, de mangas. Bon, donc, ce qui est à la fois difficile et assez stimulant et amusant, c'est que ça fait partie de ces objets sur lesquels il y a tellement de strates de discours, d'images qui s'accumulent entre Marie-Antoinette comme personnage historique ayant vécu au XVIIIe siècle et nous, qu'à la fois ça rend les choses difficiles parce qu'on est pris au piège de toutes ces strates d'images, de discours et de représentations, celle de la reine scélérate, celle de la reine martyr, celle... Et puis, en même temps, c'est ça qui est assez stimulant, parce que on peut justement aussi essayer de les traverser et de jouer aussi sur ces représentations. C'est pour ça que, par exemple, le film de Sofia Coppola sur Marie-Antoinette, beaucoup d'historiens n'ont pas aimé parce qu'ils trouvaient que c'était, il y avait trop d'anachronismes. Des anachronismes d'ailleurs voulus par Sofia Coppola. Et moi, ce qui m'a intéressé, par exemple, c'est que justement, Sofia Coppola voit quelque chose, fait émerger quelque chose qui me paraît très juste sur la situation de Marie-Antoinette. C'est-à-dire de Marie-Antoinette confrontée justement à ce piège de la célébrité. Puisque c'est à la fois la reine, et ça lui a beaucoup été reproché, qui affirme un désir de vie privée là où, jusque-là, en théorie, il n'y en avait pas, c'est-à-dire au cœur du cérémonial, de l'étiquette de Versailles. Et en même temps, ce désir de vie privée va contribuer à sa célébrité, c'est-à-dire à faire d'elle une figure publique au sens nouveau, c'est-à-dire une figure dont tous les faits et gestes sont commentés dans l'espace médiatique. Marie-Antoinette, les bruissements de la vie privée. Manon Prigent, Séverine Cassard. Il est bien évident que Marie-Antoinette n'est pas sur les réseaux sociaux, que Marie-Antoinette n'a aucune idée de ce monde hyper médiatique qui est le nôtre aujourd'hui. Ça n'aurait pas de sens de dire ça. Et en même temps, c'est notre situation aujourd'hui qui nous permet de poser à l'histoire de Marie-Antoinette des questions qui peut-être apparaissaient moins importantes ou moins évidentes dans des périodes précédentes. À quel moment la vie privée est-elle devenue un spectacle? Chaque jour, nous voyons s'afficher sur les écrans de nos téléphones des fragments de vie privée, dont on suspecte toujours une part de mise en scène. Mais cette envie de mettre en scène et de rendre publique sa vie quotidienne, à quand remonte-t-elle? À l'heure des réseaux sociaux ou de ce que l'on appelle la libération de la parole, on ne cesse de s'interroger sur les frontières de la vie privée. Qu'est-il possible de dire ou de ne pas dire, de montrer ou de cacher? Qu'a-t-on le droit de savoir sur les autres? Jusqu'où peut-on aller dans le dévoilement de notre vie privée et dans notre désir de connaître celle des autres? Partons à la recherche des balbutiements de ces désirs paradoxaux et faisons le pari que c'est du côté des grands de ce monde que ces questions se sont d'abord posées. Jusqu'au XVIIIe siècle, le terme de vie privée désigne ce moment de répit que l'on peut s'offrir quand on a occupé des fonctions à la tête de l'État. Pour avoir une vie privée, encore faut-il avoir une vie publique. Mais au XVIIIe siècle, la notion se teinte d'une couleur nouvelle, plus intimiste, plus sensuelle. C'est aussi le siècle des Lumières, du regard omnipotent, de l'avidité à connaître et à savoir. La littérature et la peinture rivalisent d'inventivité, pour donner au spectateur ou au lecteur le plaisir de voir sans être vu. Comment Marie-Antoinette incarne-t-elle ce laboratoire de la vie privée, cette tension permanente entre la curiosité publique et l'envie de s'y soustraire ? Pour moi, à travers tout ce que j'ai pu observer dans les archives de police et dans les récits, dans les chroniques, c'est une espèce de confusion absolue, une impossibilité, en tout cas pour les classes populaires, d'avoir une vie privée pour des raisons qui sont urbanistiques, à la limite, au départ. Arlette Farge, historienne. Parce que effectivement, la ville est conçue, c'est une ville infiniment sonore, infiniment bruyante, et qui ne permet à aucun logement d'être vraiment isolé. Donc même la notion d'isolement est une notion qui se construira un tout petit peu à la fin du XVIIIe siècle, mais qui n'existe absolument pas, en tout cas pour tous les habitants de Paris. Mais je crois que pour cela, il faut expliquer comment est Paris à cette époque-là, parce que c'est quand même très difficile à imaginer aujourd'hui, alors qu'on a la sensation qu'aujourd'hui, il y a un énorme bruit dans Paris, que c'est... Voilà. Mais au XVIIIe siècle, c'est une telle réalité, c'est-à-dire ça va des berges de la Seine, aux marchands ambulants, aux blanchisseuses, bien sûr, mais aussi à la musique, aux chants qui sont constamment là, aux cloches des églises, et aux personnes et aux hommes et aux femmes et aux enfants qui vivent dans les ateliers lorsqu'ils travaillent, mais les ateliers ouvrent sur la rue, donc de toute façon ceux qui passent voient ce qui se passe dans l'atelier, les gens de l'atelier voient les passants dans la rue, et donc ne pas être vu, c'est impossible, ne pas être entendu, c'est impossible. Même les hôpitaux comme l'Hôtel Dieu, par exemple, c'est Rétif de la Bretonne est très sensible là-dessus. Il entend les cris, les hurlements des femmes qui accouchent, etc. Donc, c'est un tumulte. Je veux pas le présenter comme misérable. On ne peut pas vivre autrement. Avec cette, j'allais dire, transparence, qui est un mot, excusez-moi, à la mode aujourd'hui, mais qui, justement, là, c'est inévitablement transparent. Par quelques bouts qu'on le prenne, en tout cas, dans les classes populaires, l'intimité est impossible. En plus, je voudrais dire aussi quelque chose qui est très important, c'est que les logements, contrairement à ce qu'on peut croire, comme nous ici, on a des portes qui ouvrent sur des paliers, etc., ben, c'est pas comme ça. Les chambres garnies, en haut, elles donnent les unes sur les autres, ou bien elles donnent sur un balcon qui longe les chambres garnies. Et donc, il y a énormément de plaintes de gens qui disent, eh ben oui, je les ai entendus faire des ébats, etc. Donc, même l'intimité sexuelle ne peut pas être respectée. En plus, vivre dans la rue, c'est une nécessité. Et en fait, il n'est pas étonnant, ni si dramatique, entre guillemets, même si c'est très mal vu, que les gens fassent l'amour dans la rue. Dans les bosquets, c'est vraiment dans les jardins, les Tuileries, les Luxembourg, etc. C'est extraordinairement connu. Donc, c'est drôlement compliqué. Enfin, je veux dire par là que chercher à penser qu'il y a une possibilité de secret dans la vie de Paris, dans la vie des classes moyennes et populaires, est à mon avis impossible. Moi, j'ai envie de dire qu'à la cour de France, il n'y a pas forcément plus de pudeur que dans les rues de Paris. Le corps d'une reine de France, et j'ai envie de dire qui plus est quand c'est celui de Marie-Antoinette, c'est un espace public. Il faut bien comprendre que l'étiquette française et la culture de la cour étaient radicalement opposées de ce qu'elle avait pu connaître jusqu'à ses 14 ans et demi à la cour de Vienne, en Autriche. Cécile Berly, historienne. L'étiquette, c'est le règlement intérieur de la vie à la cour et qui régit avant tout l'emploi du temps du roi, qui est bien sûr avant tout un emploi du temps politique, mais aussi l'emploi du temps de la reine. C'est-à-dire que d'après l'étiquette, on était censé savoir, qu'on soit d'ailleurs à la cour ou à l'autre bout du royaume, on était censé savoir ce que faisaient les souverains à n'importe quel moment de la journée et même de la nuit. Donc cette étiquette, c'est un rapport au souverain d'observation constante de la cour à l'égard du roi et de la reine. La reine de France ne s'appartient pas. C'est une sorte d'objet au service de la représentation du souverain et de la monarchie. « 12 juillet 1770. Votre Majesté est bien bonne de vouloir bien s'intéresser à moi, et même de vouloir savoir comment je passe ma journée. Je lui dirai donc que je me lève à 10h ou à 9h, ou à 9h30. Et m'ayant habillée, je dis mes prières du matin. Ensuite je déjeune, et de là je vais chez mes tantes, où je trouve ordinairement le roi. Cela dure jusqu'à 10h30. Ensuite, à 11h, je vais me coiffer. » À midi, on appelle la chambre, et là, tout le monde peut entrer. Je mets mon rouge et lave mes mains devant tout le monde. Ensuite, les hommes sortent, et les dames restent, et je m'habille devant elles. À midi, est la messe. Après la messe, nous dînons à nous deux devant tout le monde. Mais cela est fini à 1h30, car nous mangeons fort vite, tous les deux. De là, je vais chez Monsieur le Dauphin. Et s'il a affaire, je reviens chez moi, je lis, j'écris ou je travaille, car je fais une veste pour le roi qui n'avance guère, mais j'espère qu'avec la grâce de Dieu, elle sera finie dans quelques années. À 3h, je vais encore chez mes tantes, où le roi vient à cette heure-là. À 4h, vient l'abbé chez moi. À 5h, tous les jours, le maître de clavecin ou à chanter, jusqu'à 6h. Mais quand il fait beau, je m'en vais promener, et alors il n'y a point de jeu chez moi, mais chez mes tantes. À 9h, nous soupons, et quand le roi n'y est point, mes tantes viennent souper chez nous. Voilà toute notre journée. Je vous supplie, ma très chère mère, de pardonner si ma lettre est trop longue, mais c'est mon seul plaisir de m'entretenir avec elle. Je lui demande encore pardon si la lettre est sale, mais je l'ai dû écrire 2 jours de suite à la toilette, n'ayant pas d'autre temps à moi. Et si je ne lui réponds pas exactement, qu'elle croit que c'est par trop d'exactitude à brûler la lettre. J'ai donc l'honneur d'être la plus soumise fille. Le modèle, disons, classique de l'absolutisme, incarné, bon, comme on sait en France, par exemple, par Louis XIV, c'est un modèle où, justement, le souverain n'a pas de vie privée. Pourquoi ? Parce que le souverain, le roi ou la reine sont entièrement en représentation. Antoine Lilti, historien. L'exemple typique, c'est dans le cérémonial à Versailles, même les moments comme le moment du lever, ou des scènes vraiment de l'intimité corporelle du roi, le roi sur sa chaise percée, le roi qui se lave, tout est en public, tout est un cérémonial, et ça a une fonction politique, il faut que le roi soit toujours en représentation. Donc il n'y a qu'une personne publique du roi, puisque le roi incarne l'État, il incarne la souveraineté. Pour les hommes et les femmes qui ont vécu au XVIIIe siècle, le roi et la reine restent des personnes qui sont de l'ordre, de l'intouchable, mais qu'il faut impérativement regarder. C'est là que les décalages vont naître, c'est-à-dire que moins ils seront visibles, plus ils vont s'extraire de leur devoir de représentation. C'est ça qu'on va leur reprocher, et en particulier à Marie-Antoinette, bien sûr. Alors Marie-Antoinette n'est pas tout à fait la seule, la première à avoir cette revendication. Déjà à l'époque de Louis XV, on a toute une série de manières de tricher avec l'étiquette pour permettre ce qu'on appelle les petits appartements qui permettent au roi et à la reine d'avoir une vie déjà un petit peu à l'abri des regards. Mais Marie-Antoinette, qui elle arrive, jeune princesse à la cour de Versailles, très vite va rejeter cette étiquette, en tout cas se sentir très mal à l'aise dans cette étiquette et vouloir avoir des espaces justement soustraits à cette représentation publique et qui sont des espaces dévolus à des relations amicales dans des espaces séparés. L'exemple typique est bien connu à Versailles, c'est l'espace de Trianon où elle se réunit avec ses amis et où l'étiquette n'a pas cours. Et alors, c'est intéressant parce que très souvent, on voit ça sur un mode psychologique. Marie-Antoinette qui, rechigne à se soumettre aux règles de la cour de France. Mais en réalité, c'est pas une pure spécificité. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, elle correspond assez bien à une génération de jeunes nobles qui, au fond, sont en prise avec ces valeurs nouvelles de la société qui sont le désir de relations plus authentiques, d'amitié, de vivre à l'abri, justement, du regard du public. Simplement, évidemment, quand c'est la reine elle-même, ça a des effets de déstabilisation du dispositif de pouvoir qui est celui de la représentation monarchique à Versailles. « depuis longtemps. Et lorsque Madame l'archiduchesse était encore dauphine, elle désirait beaucoup d'avoir une maison de campagne à elle en propre. Et elle s'était formé plusieurs petits projets à cet égard. À la mort du roi Louis XV, le comte et la comtesse de Noailles suggérèrent le petit Trianon. Mais le comte de Noailles voulut se charger de négocier et de sonder les dispositions du roi à cet égard. Je trouvais que toutes ces démarches officieuses étaient fort déplacées, qu'elles ne convenaient pas à la dignité de la reine. Je représentais à Sa Majesté que dans aucune occasion, elle ne devait admettre l'usage des moyens intermédiaires entre elle et le roi, et je la suppliais de faire, elle-même, cette demande sans autre mesure préparatoire et sans le concours de personne. Sa Majesté daigna agréer mon idée, et au premier mot qu'elle prononça au roi du petit Trianon, il répondit avec un vrai empressement que cette maison de plaisance était à la reine et qu'il était charmé de lui en faire don. Cette maison est à un quart de lieue du château de Versailles. Elle est très agréablement bâtie, fort ornée avec de jolis jardins et un jardin séparément destiné à la culture des plantes et arbustes étrangers. Les dames qui sont dans le cas d'aller faire leur cours à la muette y sont traitées par la reine avec grâce et bonté. Tout le monde est content, à l'exception de la duchesse d'Aiguillon qui a été reçue fort froidement, ainsi que son mari. Il y a toujours une foule de peuple aux portes du château et une infinité de monde répandu dans le bois de Boulogne aux heures où on suppose que la reine peut s'y promener. Tout au long du XVIIIe siècle, on a quand même un certain nombre de témoignages, et en premier lieu littéraires, sur ce goût qui est encore une fois bien sûr en construction, mais qui est bien réel. On a envie d'avoir des temps et des espaces à soi. Cécile Berly. Ça se manifeste bien sûr par exemple dans l'architecture de tous ces hôtels particuliers à Paris ou dans les autres grandes villes de province du royaume. Même à Versailles et à la cour de Versailles, on a construit des hôtels particuliers, des folies, des espaces champêtres, bucoliques, où on revendique d'y vivre en simple particulier, à proximité immédiate du château de Versailles. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une aspiration, qu'on ne peut pas évidemment généraliser, mais qui est en pleine élaboration. Dans ces hôtels particuliers, on voit bien toutes ces constructions dites en enfilade qui desservent des cabinets, des petits cabinets, des arrière-cabinets ou des arrière-petits cabinets, des espaces qui sont le plus souvent très exigus, de toute petite dimension, où on a presque du mal à s'y mouvoir. Qui, au XVIIIe siècle, peut prétendre à une vie privée? Est-ce que c'est une revendication qui concerne toutes les couches sociales ou est-ce que ça n'est finalement que le propre des gens du pouvoir de réclamer cette vie privée? Alors non, c'est une revendication qui est plus large, qui est une revendication nouvelle. Alors revendication, c'est beaucoup dire, parce qu'en fait, c'est justement rarement porté sur le mode de la réclamation. C'est d'abord un phénomène nouveau, c'est-à-dire l'émergence finalement d'un Antoine Lilti. D'une partie de l'existence qui est à l'abri à la fois du pouvoir, mais aussi du regard des autres. C'est ça qui est important. Au fond, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'idée même de vie privée change de sens au XVIIIe siècle par rapport au sens qu'il avait auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, la notion de vie privée, elle s'oppose au fait d'avoir une vie publique politique. On ne parle en fait de la vie privée justement que des gens de pouvoir à partir du moment où ils sont plus au pouvoir. À partir du XVIIIe siècle, tout individu peut avoir une vie privée au sens où c'est la dimension domestique et intime qui désigne la vie privée, avec d'ailleurs cette petite ambiguïté, est-ce que c'est vraiment la vie de l'individu, et donc on est plutôt du côté de l'intimité, ou la vie domestique, c'est-à-dire plutôt dans un espace familial. Et c'est l'ensemble de ces deux dimensions, mais disons, c'est le domaine des affinités électives, des amitiés, de l'amour, de la relation, des relations interindividuelles. Si on pense l'intime en termes de revendications et de droits, Michael Fessel, philosophe. Alors le paradoxe d'ailleurs, mais intéressant, c'est de voir que ce qu'on pourrait appeler le droit à l'intime, est une revendication contemporaine de l'espace public, c'est-à-dire ou d'un espace public au sens moderne du terme, celui des Lumières, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas d'opposition radicale entre le public et l'intime, ou le public et le privé, si on garde ce terme de privé, mais que l'exigence d'avoir un espace de publicité, au sens de l'espace public de Kant, par exemple, dans lequel les sujets, les citoyens revendiquent de manière visible, je dirais, leurs droits, elle est contemporaine de l'apparition de l'intime. Et on en a un très bon exemple dans le fait, ou du droit à l'intime, le fait que c'est au XVIIIe siècle qu'apparaît, pas tout à fait, mais qu'en tout cas se répand, ou se popularise, le journal intime, le recours au journal intime. Le journal intime, qui est d'ailleurs typiquement un dispositif, si je puis dire, utilisé par les femmes au XVIIIe siècle, majoritairement en tout cas par les femmes, et même de manière quasi exclusive, c'est quoi ? Eh bien, cela veut dire que les femmes décident ou revendiquent le droit, et le réalisent d'ailleurs, de parler d'elles-mêmes, de leurs sentiments et de leur corps, à l'abri du regard de leur mari et de leur confesseur aussi à l'époque, du prêtre. Et donc un journal intime, c'est un dispositif paradoxal, puisque c'est au fond, on a le besoin, ou les femmes ressentent le besoin, de dire à quelqu'un ce qu'elles savent déjà elles-mêmes d'elles-mêmes. Parce qu'on peut se dire, après tout, pourquoi écrire un journal qui n'apportera sur soi-même, qui n'apportera rien de plus que ce que nous savons. Et bien précisément parce que ce qui n'était pas possible à ce moment-là, pour les femmes, elle n'est toujours pas pour beaucoup d'entre elles aujourd'hui dans le monde, c'était d'avoir une vie intime, une chambre à soi, aurait dit Virginia Woolf, une vie intime et au fond des relations intimes qui ne soient pas condamnées ou en tout cas jugées par la société essentiellement religieuse. Donc le journal intime, c'est un allié, c'est un peu imaginaire certes, c'est un acteur de sa vie intime, et ça c'est au XVIIIe siècle que ça se passe, c'est-à-dire à un moment où la revendication via les Lumières d'un espace public relativement transparent dans le champ politique commence à monter, cette revendication, mais évidemment elle s'adresse à ce moment-là exclusivement aux hommes. Et donc je pense qu'on peut aussi comprendre la popularisation du journal intime chez les femmes, bon, alors chez les femmes d'abord, disons, de la bourgeoisie ou de l'aristocratie, comme une sorte d'effet collatéral des Lumières. On assiste tout au long du XVIIIe à cette construction de l'écriture de soi, même si elle est pétrie d'ambivalence, de contradictions. On voit très bien, en particulier quand on travaille sur l'épistolaire féminin, qu'il y a ce besoin d'écrire, c'est-à-dire que le feuillet, la feuille blanche, plus rarement le cahier d'écriture, c'est un espace où on va s'épancher et où on va construire le moi, son individualité, et on va donner libre cours à des choses qu'on ne va pas verbaliser ou mettre en mots ailleurs. Madame ma chère mère, c'est avec bien du plaisir que j'ai reçu avant-hier votre chère lettre qui m'apprend que votre majesté se porte bien. Pour moi, je me porte à merveille. Mon cher mari a pris médecine aujourd'hui, ayant eu une indigestion il y a 2 nuits. Il a beaucoup vomi, et en montant le matin chez lui, il s'est trouvé fort mal 2 fois. Mais il se porte très bien à 7 heures, et il m'a bien promis qu'il ne sera pas si longtemps à revenir coucher. Nous sommes très bien encore ensemble, ma sœur, mon frère et nous. J'espère que cela continuera toujours. Ma sœur est fort douce, fort complaisante et très gaie. Elle m'aime beaucoup et a beaucoup de confiance en moi. Elle m'a dit elle-même que son mariage n'était point du tout consommé. Je suis au désespoir que votre majesté puisse croire que je lui ai manqué de parole pour la chasse à cheval, n'y ayant été qu'une fois, à celle du Dain, et ne l'ayant même pas bien suivie. Nous sommes arrivés hier de Marly. Pour moi, je suis revenue à pied. Je suis bien fâchée de me retrouver à Versailles, m'étant très bien amusée à Marly. Il y avait beaucoup de monde, on y jouait avant et après souper. Pendant une absence du roi, nous avons dansé une fois, ce qui était fort gai. Ma sœur en a paru enchantée. Nous partirons le 16 du mois prochain pour Compiègne. Je ne vous parle point, ma chère maman, de la nomination de Monsieur d'Aiguillon, ne me mêlant point d'affaires. L'on dit que c'est le coadjuteur de Strasbourg qui doit aller à Vienne. Il est de très grande maison, mais la vie qu'il a toujours tenue ressemble plus à celle d'un soldat que d'un coadjuteur. Adieu, ma chère maman. Je vous embrasse de bon cœur et vous aime tendrement. Avec Marie-Antoinette, comme on n'est pas dans un modèle, on n'est pas dans un régime démocratique, donc en théorie, elle n'a pas à représenter, elle a à incarner le pouvoir, elle n'a pas à représenter les Français, donc elle n'a pas à représenter, à être dans une proximité ou une familiarité. Donc on a une tension, une contradiction, parce que d'un côté, ça peut avoir des effets en termes d'attachement affectif, et il y a un attachement affectif pour les souverains, et Marie-Antoinette va en jouer une partie de son règne. Mais il y a aussi cette idée, effectivement, qu'elle crée scandale, au fond, en nuisant à la dignité de la souveraineté. Il y a un exemple, en termes vraiment de représentation, qui est bien connu, c'est la question des portraits de Marie-Antoinette, puisque très vite, elle va être assez mal à l'aise avec les portraits d'apparat. Elle va trouver sa peintre, sa portraitiste, qui est Élisabeth Vigée-Lebrun. Le premier portrait que fait Élisabeth Vigée-Lebrun, c'est un portrait relativement d'apparat où Marie-Antoinette est en costume de cour, on y a tous les signes de la souveraineté. Et puis petit à petit, elle va être de plus en plus représentée comme un individu particulier, comme un individu privé. Ça veut dire quoi? C'est que progressivement, dans les portraits que Élisabeth Vigée-Lebrun réalise, les signes de la souveraineté disparaissent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la couronne, il n'y a plus de costume d'apparat, il n'y a plus de costume de sacre. Et l'acmé de ce type de représentation qui insiste sur la personne privée, individualisée de Marie-Antoinette, c'est un portrait qui, en 1783, est présenté au Salon. Alors le Salon, c'est l'exposition de peinture de l'Académie de peinture au Louvre, donc on est quand même au cœur du dispositif de pouvoir. Et Marie-Antoinette est représentée comme une jeune femme à la mode, avec une robe très légère en mousseline, et... il n'y a aucun signe qui permet d'identifier que c'est la reine. Et en fait, ça crée scandale, parce que les gens ont l'impression effectivement que la dignité royale a disparu, hein, et on imagine même, il y a même des gens qui vont dire qu'elle est représentée en sous-vêtements. Et donc là, on voit bien que, en termes de représentation au sens strict, c'est-à-dire de l'image même du pouvoir, on a là une contradiction, et au fond, Marie-Antoinette va trop loin, non pas tellement dans le fait d'avoir une vie privée, mais dans le fait d'exposer publiquement sa vie privée. Et c'est ça qui, évidemment, pose problème. Quand elle se dérobe à ses devoirs de représentation et qu'elle vit, elle aime à dire, par exemple, quand elle est au Petit Trianon, qu'elle est chez elle et qu'elle est elle. C'est-à-dire qu'elle donne libre cours à son individualité, à sa personnalité, à son caractère, à ses goûts. Elle réussit aussi, dans une certaine mesure, à ce que ses espaces et ses temps à elle ne s'ébruitent pas et ne dépassent pas les grilles, par exemple, de son Petit Trianon. Et donc là, on est aux sources de ce que vous avez cherché à décrire, c'est-à-dire que tout le paradoxe de la célébrité dans son rapport entre la vie publique et la vie privée, c'est que la vie privée n'est pas juste quelque chose de caché, mais c'est quelque chose qu'on cherche à montrer comme étant caché. Et c'est ça qui suscite cette espèce de curiosité très particulière qui nous parle encore aujourd'hui, de vouloir absolument connaître ce qui nous est dérobé. Ben oui, parce que ça, c'est la définition même de la célébrité. Les gens célèbres, c'est des gens publics dont on veut connaître la vie privée. Antoine Lilti. Donc là, on a effectivement un paradoxe, une dialectique qui est intéressante et qu'on voit très bien à l'œuvre avec Marie-Antoinette, mais avec aussi d'autres personnages au XVIIIe siècle. Elle n'est pas du tout la seule, on y reviendra peut-être, mais avec Marie-Antoinette, sa vie privée, son désir de vie privée devient public. Et tout d'un coup, on se met à se faire, enfin, en tout cas, le public se met à s'intéresser à la vie privée, y compris d'ailleurs à des fictions qui dénoncent la vie érotique de Marie-Antoinette, etc. Et alors, qui sont les autres figures publiques aux côtés desquelles Marie-Antoinette est un objet de curiosité? Alors, pour prendre des figures a priori très éloignées, mais qui sont souvent comparées à Marie-Antoinette, on pourrait prendre d'une part les comédiens et les comédiennes, hein, parce que les premières célébrités au XVIIIe siècle, c'est d'abord des gens qui justement ont affaire au public, mais aussi des écrivains, hein, des philosophes, donc des figures bien connues du XVIIIe siècle, comme Voltaire ou Rousseau, qu'on imagine toujours aujourd'hui. Alors ils sont très panthéonisés, donc c'est des figures littéraires consacrées, mais à l'époque, on se passionne pour leur vie privée. Le genre même littéraire des vies privées de gens célèbres devient une sorte de filon éditorial qui est beaucoup utilisé. Il y a un portrait de Voltaire qui circule dans les années 1770, un peu on est vers la fin de sa vie. Voltaire est déjà très célèbre, il vit à Ferney. Et Il y a une représentation de lui qui le représente au moment où il se lève. Il est en train de se lever, c'est-à-dire le lever de Voltaire. Il est en train de s'habiller. On voit son lit défait. En même temps, il dicte plus ou moins une lettre à son secrétaire. Ce tableau va être gravé, circule beaucoup à Paris, à Londres. Et donc là, il y a un désir d'apercevoir l'intimité du grand philosophe et du grand écrivain. Et donc, à la fois, c'est très moderne, au sens où tout d'un coup, le public se passionne, a envie de voir cette intimité, c'est-à-dire cette vie privée qui fait de Voltaire un individu comme les autres, qui lui aussi doit se lever le matin, doit enfiler son pantalon, c'est pas toujours facile, il est un peu déséquilibré, etc. Mais en fait, ça n'a d'intérêt que parce qu'il n'est pas un individu comme les autres. Ça n'a d'intérêt que parce qu'il est un personnage public, un grand écrivain, etc. Donc c'est un rapport de distance et de proximité qui est au cœur de cette culture de la célébrité. Ça m'avait beaucoup amusé de rapprocher Jean-Jacques Rousseau et Marie-Antoinette, parce qu'a priori, c'est quand même deux figures très différentes. Mais au fond, ils font tous les deux, à des échelles très différentes, l'expérience de cette nouveauté qu'est la célébrité. Et Rousseau, c'est assez passionnant parce que il est à la fois effectivement l'écrivain qui peut être, avec Voltaire, mais l'écrivain le plus célèbre de son époque, mais qui suscite vraiment une forme d'adoration du public. On se presse pour le voir passer quand il est à Paris, on va le voir jouer aux échecs, les gens lui rendent visite, les lecteurs lui écrivent. Donc il y a vraiment cet effet de célébrité qui, et là c'est une différence avec Voltaire, est nourri et entretenu par le fait que Rousseau lui-même met en scène son intimité, et ça c'est l'exemple notamment bien connu évidemment des confessions, mais déjà plus tôt dans sa vie, il va très souvent se donner en exemple, ce qui fait que d'ailleurs le public l'appelle par son prénom, on dit Jean-Jacques, ça c'est vraiment le prénom, c'est ce qui justement relève du privé, et ce qui est intéressant c'est que très vite il va vivre lui-même cette célébrité comme une aliénation, comme un fardeau, avec cette idée que le public l'a transformé en personnage et a pris ce qu'il a de plus privé, c'est-à-dire Jean-Jacques, pour en faire un personnage public, une espèce de fiction qui est à la fois lui et pas lui, et dont il a joué et en même temps auquel il peut plus s'identifier. Et au fond, on pourrait presque dire que ces deux trajectoires opposées, au sens où Rousseau, lui, au début, il est d'abord mu par un besoin de succès, de réussite, de reconnaissance. Là où Marie-Antoinette, bon, elle a grandi, elle est archiduchesse d'Autriche, elle a grandi à la cour, elle arrive, elle est la dauphine, puis elle va être la reine de France. Donc elle n'a pas un besoin de reconnaissance publique. Donc elle, c'est au contraire, ça va être plutôt d'abord l'affirmation du privé, mais tous les deux, de manière différente, sont pris dans cette impossibilité en fait de l'authenticité en régime médiatique. Et l'un et l'autre s'aperçoivent que ce qui est nouveau au XVIIIe siècle, c'est l'existence en fait d'une société où, au fond, tous les gestes privés, à partir du moment où on est une figure publique évidemment, peuvent être réinterprétés comme des formes de spectacle. Marie-Thérèse d'Autriche à sa fille Marie-Antoinette, le 2 juin 1775. Je vous avoue que j'ai vu avec grande peine dans des feuilles imprimées que vous vous abandonnez plus que jamais à toutes sortes de courses au bois de Boulogne, aux portes de Paris, avec le comte d'Artois, sans que le roi y soit. Vous devez savoir mieux que moi que ce prince n'est nullement estimé et que vous vous partagez ainsi ses torts. Ne perdez pas ce bien inestimable que vous aviez si parfaitement. Une princesse doit se faire estimer dans ses moindres actions, et point faire la petite maîtresse, ni en parure, ni dans ses amusements. On nous épluche trop pour ne pas être toujours sur ses gardes. Il y a encore un point plus triste pour moi. Toutes les lettres de Paris disent que vous êtes séparés de lit avec le roi, et que vous avez peu de part à sa confiance. J'avoue que cela me frappe d'autant plus que de jour, étant toujours dissipé et sans le roi, s'il ne vient plus coucher chez vous pour de la succession, il faudra donc y renoncer. Votre seule tâche doit être de vous trouver le plus souvent toute la journée chez lui, de lui tenir compagnie, d'être sa meilleure amie et confidente, et tâcher de vous mettre au fait des choses pour pouvoir raisonner avec lui et le soulager. Nous sommes dans ce monde pour faire du bien aux autres. Votre tâche est une des plus essentielles. Pardonnez ce sermon, mais je vous avoue, ce lit à part, ces courses avec le comte d'Artois ont mis d'autant plus de chagrin dans mon âme que j'en connais les conséquences, et ne saurais vous les présenter trop vivement pour vous sauver de l'abîme où vous vous précipitez. Attribuez à ma tendresse ces alarmes, mais ne les croyez pas superflues. Dans le même temps, vous avez la construction de l'opinion publique, c'est-à-dire de cette opinion généralisée à l'ensemble des habitants du royaume, où tout le monde a, si j'ose dire, un avis sur tout, et qui va aussi, bien sûr, s'alimenter de toutes les rumeurs, de tous les scandales qui ont pu naître entre, justement, d'un côté la reine de France et de l'autre côté ses sujets. Donc, dans le même temps qu'il y a cette aspiration naissante à un goût pour l'intime, vous avez donc la construction d'une opinion publique qui est toute puissante, hein, qui est conquérante. C'est un peu, si vous voulez, en quelque sorte, le préambule à ce que l'on va appeler sous la Révolution le fait d'être politisé. Donc il y a aussi ce choc entre d'un côté cette aspiration à la vie privée et de l'autre cette émergence d'une opinion publique. Alors ça, il y a beaucoup d'éléments. Bon, le plus évident, c'est la presse. Hein, on est dans un moment de développement des journaux dans toute l'Europe. Le phénomène est encore plus accentué, par exemple, en Angleterre, à Londres, où il y a déjà de nombreux quotidiens, sans parler des magazines, des hebdomadaires, des journaux. En France, les choses sont un tout petit peu plus tardives, mais par exemple, c'est sous le règne de Marie-Antoinette que le premier quotidien français, le Journal de Paris, voit le jour et se développe. Il y a des hebdomadaires, il y a ce qu'on appelle les journaux d'affiches, il y a de la presse manuscrite. Donc il y a tout un système de journaux, mais aussi de brochures, de livres, de textes, de pamphlets qui circulent et qui répondent à l'existence nouvelle d'un public, en tout cas en milieu urbain. Alors c'est un public qui aujourd'hui, on n'est pas encore dans le public de masse, hein, c'est pas le public de masse de la fin du 19e siècle, mais le système même d'un lectorat relativement large de gens qui du coup s'intéressent, sont curieux, veulent savoir, sont à l'affût des nouvelles, et de gens dont c'est le métier de nourrir cette curiosité, cette attention publique. Et donc, la notion même, par exemple, de curiosité publique devient une notion centrale. Il y a un véritable commerce de la nouveauté, de l'information, et la vie des personnes publiques devient un élément de ce système médiatique. Une reine jeune et fringante, dont l'époux très auguste était mauvais fouteur, faisait de temps en temps, en femme très prudente, diversion à sa douleur, en mettant à profit la petite industrie d'un esprit las d'attendre et d'un con mal foutu. Dans ses lubriques attitudes, Antoinette aurait bien voulu ne pas demeurer au prélude et que Louis l'eût mieux foutu, mais à cela que peut-on dire ? On sait bien que le pauvre sire, 3 ou 4 fois condamné par la salubre faculté, pour impuissance très complète, ne peut satisfaire Antoinette. De ce malheur bien convaincu, attendu que son allumette n'est pas plus grosse qu'un fétu, que toujours molle et toujours croche, il n'a de vie que dans la poche, qu'au lieu de foutre, il est foutu, comme feu le prélat d'Antioche. D'Artois s'entend un jour, la grâce triomphante, du foutre et du désir la grâce renaissante, vint au pied de la reine espérer et trembler. Il perd souvent la voix et, voulant lui parler, presse ses belles mains d'une main caressante, laisse parfois briller sa flamme impatiente. Il montre un peu de trouble, il en donne à son tour. Plaire à Toinette enfin fut l'affaire d'un jour. Les princes et les rois vont très vite en amour. Dans une belle alcôve artistement dorée, qui n'était point obscure et point trop éclairée, sur un sofa mollet de velours revêtu, de l'auguste beauté les charmes sont reçus. Le prince présente son vie à la déesse. Moment délicieux de foutre et de tendresse. Il y a des éléments qui, à mon avis, ne sont pas nouveaux. C'est-à-dire le fait qu'il y ait de la médisance à la cour et qu'il y ait de la rumeur populaire, ça sont deux phénomènes qui sont, à mon avis, anciens, difficilement mesurables, parce qu'évidemment, tout ce qui est de la question de la circulation orale, de la rumeur, qu'elle soit au sein des élites ou qu'elle soit au sein de la population parisienne. On en a des traces, hein. Arlette Farge les a, par exemple, magnifiquement étudiées avec les rapports de police, par exemple, ou Robert Darnton, grand historien américain, a montré comment des chansons satiriques, donc là on est avant Marie-Antoinette, par exemple à l'époque de la Pompadour, on a des chansons satiriques qui moquent les rapports de la Pompadour et de Louis XV, qui vraisemblablement viennent de la cour. Ce sont des chansons qui sont ensuite transformées ou réécrites, hein, sous forme manuscrite et qui circulent dans des milieux parisiens, d'avocats, etc. Ce qui est, à mon avis, nouveau, vraiment nouveau au XVIIIe siècle, c'est le fait que la circulation se fait de manière beaucoup plus importante entre les différents espaces, notamment par l'imprimé, avec un imprimé qui continue jusqu'à la Révolution à être officiellement contrôlé par le pouvoir, notamment via la censure, enfin que le pouvoir a de plus en plus de mal à contrôler et qui ne contrôlera plus du tout en 1789, ou en tout cas très mal, et donc qui crée une caisse de résonance et surtout un espace médiatique, mais presque unifié en fait entre les élites et peut-être pas les couches les plus populaires, mais en tout cas les couches moyennes des populations urbaines qui du coup sont intégrées à cet espace. Donc on n'est plus, ce qui est important, c'est que par exemple les rumeurs sur la vie privée ou la vie ou l'infidélité ou la vie érotique de tel ou tel personnage de la cour n'est plus réservé à cet espace de l'oralité, de l'interconnaissance à l'intérieur de la cour, mais devient un savoir, ou en tout cas un ensemble de discussions, dans un espace beaucoup plus large de gens qui n'ont jamais rencontré Marie-Antoinette, qui n'ont même jamais été en contact direct, et pour qui il ne s'agit que de figures publiques et pas de concurrents ou de rivaux pour la faveur royale. La reine fait approcher deux tabourets aux deux côtés du dos du roi. Madame de Polignac s'assied sur le dos de Louis XVI et, en écartant les jambes, pose chacun de ses pieds sur un tabouret. Antoinette s'avance dans les bras de Polignac, qu'elle embrasse étroitement, tandis que sa langue cherche et joue avec celle de la confidente. Elle présente par conséquent au comte d'Artois la plus belle croupe du monde, en lui disant « Toi, comte, tu vois quel chemin il te reste à prendre. » Il lève un léger jupon de linon, découvre deux fesses blanches comme la neige et, écartant d'une main furtive la route de la volupté, il lance la flèche de l'amour dans le temple de la félicité. Pendant que les langues femelles s'agitent, que les secousses des reins élastiques cherchent de nouveaux plaisirs, la confidente introduit un doigt léger sur le portique du temple dans lequel le comte s'introduit par une voix détournée. La voix manque à la lubrique Antoinette, et un silence voluptueux succède à la plaisanterie. À Marie-Antoinette, on attribue une hyperpuissance sexuelle. Bien sûr, il faut le comprendre en termes politiques avant tout. Inversement, on va attribuer à Louis XVI une impuissance sexuelle, qui est aussi, bien sûr, tout à fait un jeu politique. Parce qu'on considère aussi que cette monarchie, à la fin du XVIIIe siècle, elle est dégénérée parce qu'elle est en partie efféminée. Cécile Berly. Il y a une chose absolument essentielle avec Marie-Antoinette. On lui reproche de ne pas être suffisamment reine et d'autre part, on lui reproche surtout de se comporter comme une favorite royale. Parce que, a priori, le roi n'avait pas de maîtresse et encore moins de favorite royale. Est-ce qu'il a voulu mettre une sorte de mouchoir sur sa sexualité? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça crée énormément de confusion supplémentaire qu'il n'y ait pas de favorite royale. La favorite royale avait une fonction politique essentielle dans le fonctionnement de la monarchie absolue. Au même titre qu'un premier ministre quand il a pu en avoir un, la favorite royale, c'est le bouc émissaire sur lequel on va décharger absolument tous les mécontentements. Par exemple, quand il y a eu l'épidémie de variole, c'était absolument incroyable en France. Et a commencé l'inoculation, le vaccin. Arlette Farge. Alors, il y avait des pour et des contre, enfin, comme aujourd'hui. Et Marie-Antoinette, elle va, en fait, essayer de convaincre tout le monde de se faire vacciner. Vous savez, elle a été connue par ses perruques absolument incroyables. Elle avait une perruque qui s'appelait inoculation. Et où elle avait mis des seringues et des... Bon, voilà. Mais elle a fait, ses perruques, elles ont toutes eu un thème qui est, elle pensait, par là, se rapprocher du peuple. et pof, effectivement, le regard est inversé. C'est quoi ? C'est quoi de se faire une perruque avec la variole alors qu'il y a des gens qui meurent Bon, c'est passionnant ce face-à-face qui n'en est pas, ce dos à dos, ce... Et donc, il y a non seulement des rumeurs, mais il y a aussi des affichages de pamphlets, de dessins. Et il ne faut pas oublier aussi toute la littérature de colportage, donc qui coûtait très peu cher et qui se vendait dans la rue comme ça par les colporteurs, dans lequel il y a des espèces de poèmes littéralement... Je pense que si aujourd'hui il y avait des poèmes comme ça sur notre président de la République, mais je ne sais pas, mais ça serait voilà, l'arrestation immédiate et la garde à vue. Il y a depuis quelque temps dans le château d'Henri IV une ménagerie véritablement curieuse, tant par la rareté des animaux qui la composent que par la dépense excessive que son entretien coûte à la nation. Le public a examiné les bêtes féroces qui étaient dans leurs cages respectives dans le parc de Versailles. Il peut voir plus commodément et sans se déranger beaucoup une quantité de quadrupèdes rassemblés au Louvre. Nous allons citer les plus remarquables de ces bêtes féroces, indiquer leurs habitudes et leurs inclinations. Le royal veto est cet animal qui a environ 5 pieds 5 pouces de long. Il marche sur les pieds de derrière comme les hommes. La couleur de son poil est fauve. Il a les yeux bêtes, la gueule assez bien fendue, le mufle rouge, les oreilles grandes, fort peu de crin. Son cri ressemble assez au grognement du porc. Il n'a point de queue. Il est vorace par nature. Il mange, ou plutôt il dévore avec malpropreté tout ce qu'on lui jette. Il est ivrogne et ne cesse de boire, depuis son lever jusqu'à son coucher. Sa nourriture coûte à peu près 25 à 30 millions par an. Il est âgé de 34 à 36 ans. Il est né à Versailles et on lui a donné le sobriquet de Louis XVI. La femelle du royal veto est un monstre trouvé à Vienne en Autriche, dans la garde-robe de Marie-Thérèse l'impératrice. Cette gueule non couronnée eut probablement une envie contre nature. Elle se fit sans doute couvrir par un tigre ou un ours et donna le jour à Marie-Antoinette. Ce monstre, âgé de 33 ans, fut amené en France du temps de l'incestueux Louis XV d'odieuse mémoire. Comme à la fausseté de son pays, elle joignait la perfidie naturelle aux bêtes à diadème. Elle se présenta d'abord au peuple avec une douceur angélique. On criait « Vive la reine !» Or, quand elle fut assurée qu'avec quelques grimaces, elle pourrait reconnaître l'amitié des badauds, elle leva le masque et fut connue pour ce qu'elle était. La femelle du royal veto est d'une grande taille, laide, ridée, usée, fanée, hideuse, affreuse. Mais comme la nation a la bêtise de nourrir ses tyrans, elle mange l'argent de la France, dans l'espoir de dévorer les Français l'un après l'autre. Donc on a toute une série de pamphlets. Antoine Lilti. À partir du début des années 1780, enfin même la fin des années 1770, jusqu'à la Révolution, qui sont complètement délirants. C'est-à-dire qu'on lui imagine donc des relations d'une part avec les frères du roi, d'autre part effectivement des relations lesbiennes avec ses amis, des relations avec toutes sortes de gens à la cour. Donc là, il y a une imagination totalement débridé des pamphlétaires, avec son fils aussi. Enfin, vraiment, on imagine absolument tout. Bon, faut savoir que par ailleurs, c'est lié aussi au fait que au début de son règne, elle ne tombe pas enceinte. Donc, la question de savoir si le mariage est consommé ou pas, qui était en fait une question politique, très vite devient une question aussi d'ordre privé. Donc, la sexualité de la reine, c'est là la nouveauté par rapport à des règnes précédents, ça devient une série de fantasmes érotico-politiques autour de la sexualité de la reine. La grande question, ce qu'on ne sait pas très bien, c'est si les pamphlets d'avant la Révolution ont circulé ou pas. Il semble qu'ils aient beaucoup été écrits aussi pour faire chanter la monarchie, rédigés par des pamphlétaires en Grande-Bretagne, achetés par la police, gardés au secret, etc. Donc sans doute, ils ont un peu circulé, moins qu'on l'a dit. Et en revanche, au moment de la Révolution, où là, la censure disparaît et la liberté de la presse, au sens de l'imprimé, est totale, à ce moment-là, alors, on va avoir une floraison de pamphlets hostiles à la reine. Et c'est quelque chose de très frappant, mais il ne faut pas s'arrêter à cette sidération devant l'agressivité politique des opposants à la reine, soit pour d'ailleurs construire la figure de Marie-Antoinette en martyr. C'est pas non plus ça qui est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ça s'origine dans une transformation bien au-delà de Marie-Antoinette, du fonctionnement même de l'espace public et de l'espace de la représentation politique. C'est-à-dire que Marie-Antoinette, elle cherche effectivement un espace, mais qui n'est pas tant un espace de la pure authenticité romantique qu'un espace, au fond, de la mondanité. Elle essaye de reconstituer à la cour des espaces relativement à l'abri de l'étiquette. Et en même temps, elle le fait en se projetant toujours vers l'espace de la reconnaissance publique et la recherche néanmoins de capacité d'action politique. Et sa popularité, elle la cherche comme ça. Donc, il ne faut pas du tout idéaliser ou se projeter. Là, on serait vraiment dans l'anachronisme de voir en Marie-Antoinette une figure de princesse romantique et idéaliste brisée par son époque. Non, c'est vraiment une reine de son temps qui se bat avec les contradictions de son époque. Il pleut, bergère, presse tes blancs moutons. Allons sous ma chaumière, bergère, vite, allons. Voici, voici l'orage, voilà l'éclair qui luit. Quand on arrive dans les années 1793-1794, il y a une affirmation d'un espace public qui reste entièrement masculin. On peut même dire que les femmes vont être en partie punies avec ces grands procès de l'automne 1793, qui pour moi sont un tournant absolument essentiel, pour ne pas dire radical, dans l'histoire et du 18e et de la Révolution et de ce qui va suivre après. C'est-à-dire que pour moi, ces grands procès féminins qui commence avec celui de la reine en octobre 1793, début du mois de novembre, le procès de l'Inde de Gouges, suivi de peu de jours après de Manon Roland, et on termine avec le procès de la fameuse comtesse du Barry, la dernière favorite royale de Louis XV, qui est une vieille femme. Il y a la volonté de remettre de l'ordre dans tout ce désordre féminin. Il y a aussi la volonté très claire d'être dans l'exemplarité, mais j'entends une justice exemplaire au sens de voyez ces exemples de femmes qui, avant et pendant la Révolution, se sont mal comportées, ont voulu, comme on disait à l'époque, politiquer. Ce sont des femmes dénaturées, ce sont des hystériques, ce sont des viragos, ce sont des femmes qui vont perdre la tête parce qu'elles n'ont pas su garder leur place. Pour moi, le 18e dont on parle meurt en 1793. En revanche, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est d'attribuer une causalité politique trop grande à l'histoire de Marie-Antoinette. C'est-à-dire que les contemporains ont souvent fait ça. On pensait que si Marie-Antoinette avait joué le jeu de l'étiquette, s'était comportée comme une reine, comme une autre, peut-être qu'il n'y aurait pas eu la Révolution, peut-être qu'il aurait moins cité. Ça, je ne crois pas du tout que le comportement de Marie-Antoinette soit une explication et de l'hostilité qu'elle a suscitée et de la Révolution. En Angleterre, vous avez les mêmes phénomènes de célébrité autour de la famille royale et ça suscite pas une révolution. Je pense qu'il y a des raisons beaucoup plus profondes, à la fois sociales, culturelles et politiques, qui expliquent la révolution. Donc là, il faut pas inverser les choses. Ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre pourquoi la révolution, en fait, finalement, et les mécontentements de toute façon suscités autour de la monarchie absolue empêchent Marie-Antoinette de mener à bien ce qui, au fond, pourrait être vu aussi comme une tentative de transformer ou d'adapter aux sensibilités de la fin du XVIIIe siècle le système de la monarchie versaillaise. Et quelle est la place des femmes, justement, dans l'espace politique qui est très masculin à ce moment-là? Comment, au moment de la Révolution française, les quelques femmes qui avaient joué un rôle, ou en tout cas prétendu jouer un rôle dans l'espace public, ont-elles été, d'une certaine manière, rappelées à l'ordre après la Révolution française et davantage invitées à se cantonner à l'espace domestique? Alors, il y a une double dimension. D'abord, il y a une dimension qui est au-delà de cette question de la célébrité, qui est le fait que là, le partage privé-public, assez strict, fait disparaître l'espace qui était l'espace légitime dans la monarchie de l'action politique des femmes, qui était l'espace de la mondanité, l'espace des salons, l'espace des sociétés, etc. Et donc l'émergence du citoyen homme bourgeois se traduit de l'autre côté par l'exclusion des femmes de la citoyenneté. Donc ça, c'est le premier élément bien connu, c'est que l'universalisme des droits de l'homme et du citoyen est un universalisme mâle, masculin, et donc les femmes vont être effectivement renvoyées dans la question du domestique. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que effectivement les femmes sont déjà des personnalités publiques, souvent parce qu'elles ont construit déjà une réputation, souvent dans le monde littéraire ou dans l'espace de la mondanité, vont, elles... Ce développement de l'espace médiatique, sous la Révolution, c'est des dizaines et des dizaines de journaux nouveaux qui sont créés chaque année. Et bien, cette expansion de la curiosité publique pour la vie privée, les faits et gestes des uns et des autres, va très souvent, presque toujours, tourner au détriment de ces femmes publiques qui sont justement renvoyées à un jugement moral sur leur vie privée. Par exemple, Germaine de Staël, qui dit qu'elle a été condamnée à la célébrité. Condamnée à la célébrité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit essuyer dans les journaux et dans la presse des attaques permanentes sur sa vie privée, sur ses relations amoureuses, etc., qui visent, en fait, à la disqualifier politiquement. D'ailleurs, elle est politiquement libérale, mais elle tiendra toujours un discours extrêmement hostile aux journaux et à la presse, pour avoir fait les frais de ce qu'on appellerait aujourd'hui du harcèlement en ligne, sauf que là c'est du harcèlement dans les journaux. Donc de ce point de vue-là, le mécanisme joue presque entièrement à charge contre elle. Et après, on est dans d'autres sensibilités, on est dans d'autres formes de construction. Et bien évidemment, dans ces conditions, on comprend bien mieux le contexte de la mise en place du Code Napoléon et on comprend mieux, bien sûr, le 19e dans son ensemble. C'est toute la difficulté de ce sujet, de comprendre cette articulation entre les femmes et l'espace privé. Selon le temps et selon les individus, c'est un espace de liberté ou c'est un espace d'enfermement, très clairement. Merci à Cécile Berly, Arlette Farge, Michael Fessel et Antoine Lilti. Merci également à Floriane Daguizé. Lecture, Nathalie Canoui et Daniel Königsberg. Prise de son, Jeffrey Marianne. Mixage, Marie Le Peintre. Coordination, Perrine Kervran, Marie-Vonne Abolivier. Marie-Antoinette, Les bruissements de la vie privée. Un documentaire de Manon Prigent et Séverine Cassard. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter dans la bergerie du Trianon, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaïs Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, l'affaire Mazarine, la vie privée au service du pouvoir. Mais en attendant, restez à l'écoute.